pendant qu'il riche. Moi, mais les hauts copains, pouvez-moi payer champagne et whisky. L'argent en moi, en j'en coûte. Moi, t'es mis en forme pour moi élevé. Si vous faites moi dépasser, c'est madame à moi qui a souffert. Toutes ces oiseaux qui ont monté en montagne, toutes ces huit sont capoulés, bottes la mer.